Section 56 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 25. Le lendemain matin, vers midi, Georges arriva rue de Boulogne et, à sa grande surprise, il apprit que Charlotte était déjà sortie. Sortie sans l'avoir attendue. Après ce qui s'était passé la veille, après qu'il l'avait avertie de sa visite, que signifiait cela? Il revint le soir à son heure ordinaire. Charlotte n'était pas rentrée. Il l'attendit jusqu'à 10 heures, puis jusqu'à 11 heures. Elle ne rentra pas. Il interrogea la femme de chambre. Celle-ci répondit à ses questions que sa maîtresse avait passé une nuit très agitée, qu'elle s'était levée de bonne heure et qu'elle était partie sans dire si elle rentrerait ou ne rentrerait pas. Le lendemain, le surlendemain, il ne l'avait pas davantage rencontrée. Cependant, la femme de chambre lui avait dit que madame était revenue à Paris, mais pour peu de temps. Une heure après son arrivée, elle était repartie en portant une malle. Que contenait cette malle, personne n'en savait rien. Apprenant cela, il ne s'était pas bien vivement inquiété. « Ce sont les dernières vibrations de la résistance, » s'était-il dit. Et il lui avait écrit une longue lettre qui devait achever promptement cette agonie. Non seulement elle n'avait point répondu, mais encore elle ne s'était pas trouvée au rendez-vous qu'il lui demandait. Il avait alors commencé à s'étonner et à penser qu'il y avait là quelque chose de plus grave qu'il n'avait cru tout d'abord. Connaissant Charlotte, il aurait dû prévoir ce qui arrivait. Si elle avait pu céder à un moment d'entraînement irrésistible, elle s'était reprise bien vite en retrouvant la raison et la volonté. Si elle avait pu s'abandonner, il était bien certain qu'elle n'était pas femme à se donner. Il avait été un niais de ne pas faire ce raisonnement et de se laisser griser par un triomphe inespéré. Décidément, se dit-il, ce qui est difficile en ce monde, ce n'est pas d'avoir une femme, c'est de la garder. Comment garder Charlotte? Ou plutôt, comment la reprendre? Avant tout, comment la revoir? Il lui avait écrit, et afin d'écarter tout soupçon, il lui avait fixé un rendez-vous chez le notaire en prétextant une affaire urgente. Elle n'avait pas plus répondu à cette lettre qu'à la première, et elle ne s'était pas trouvée chez le notaire. Il était alors retourné à Vélizy, et le docteur Bergeresse lui avait dit que madame Larbenton venait tous les jours voir son mari. Mais les heures de ses visites étaient irrégulières. Tantôt elle venait le matin, tantôt au contraire le soir. Puisqu'elle se rendait à Vélizy tous les jours, il était certain qu'elle habitait Versailles. Il avait couru à l'hôtel des réservoirs, où elle avait logé, aussitôt après l'entrée d'Emmanuel dans l'établissement du docteur Bergeresse, mais à l'hôtel des réservoirs, on lui avait répondu qu'on ne l'avait pas vue depuis 6 mois. Alors le dépit l'avait pris, et puisque bien décidément elle le fuyait, il s'était promis de ne plus la revoir. Mais il n'avait pas pu tenir bien longtemps cet engagement. Il avait dû reconnaître qu'il aimait Charlotte plus profondément qu'il ne l'avait cru quand il avait voulu renoncer à elle. Il était retourné rue de Boulogne, mais de nouveau on lui avait fait la réponse qu'il avait déjà entendue plusieurs fois. Madame n'était pas à Paris, elle venait de temps en temps et repartait aussitôt au bout de 2 ou 3 heures. Pendant qu'elle était là, elle donnait les ordres les plus sévères pour qu'on ne reçût personne. Il avait insisté, et la femme de chambre qui lui donnait ses renseignements avait affirmé que ce qu'elle disait était l'exacte vérité. Elle avait l'intelligence ouverte, cette femme de chambre, et de plus une certaine expérience. Elle savait donc à peu près à quoi s'en tenir sur les sentiments que Georges pouvait éprouver pour sa maîtresse, et bien entendu, elle était disposée à le servir. Il y a des secrets qui rapportent cher quand on a l'adresse nécessaire pour les exploiter. Mais Georges n'était point homme à se livrer, et dans les offres de service de la camériste, il n'avait pris que ce qui ne pouvait compromettre personne, ni lui, ni Charlotte. Ces absences inexplicables m'inspirent des craintes sérieuses pour la santé de ma cousine, dit-il. Pour vrai, il se passe quelque chose de grave chez madame. Depuis que monsieur a quitté la maison, on peut dire qu'elle n'est pas gaie, et sa tristesse ne ressemblait en rien à ce qu'elle laisse paraître depuis 6 semaines. Tenez, précisément depuis le jour où monsieur a accompagné madame à Vélizy. Elle parle sans lever les yeux sur personne. En marchant, elle s'arrête tout à coup et reste immobile, en regardant à terre, et alors elle murmure tout bas des mots qu'on n'entend pas. Enfin, je vous assure qu'elle est bien drôle. Voilà pourquoi il faut que je la voie. Le chagrin peut avoir attaqué sa raison. Quand elle viendra ici, prévenez-moi donc. Je viendrai aussitôt, quand même ce serait la nuit, et quoi qu'il puisse arriver, vous m'introduirez près de votre maîtresse. C'est un service que vous nous rendrez, à tous, et dont il vous sera tenu compte. » 3 jours après, à 10 heures du soir, Georges reçut un mot de la femme de chambre par lequel celle-ci le prévenait que sa maîtresse était arrivée et que tout donnait à croire qu'elle voulait passer la nuit à Paris. Il courut aussitôt rue de Boulogne, et ce fut la femme de chambre elle-même qui vint la première à sa rencontre. « C'est encore pire, » dit-elle en répondant à l'interrogation de son regard. « Madame est lugubre, elle fait peur, elle est dans sa chambre, enfermée. » « Alors, que faire ? Je peux vous introduire par le cabinet toilette, seulement il faudra que vous disiez que vous êtes entré tout seul. C'est bien, je me charge de tout, conduisez-moi. » Doucement, elle passa devant lui, en glissant, et lui-même marcha sur la pointe des pieds. Par un couloir de dégagement, elle le mena dans le cabinet toilette qui se trouvait entre la chambre de Charlotte et celle d'Emmanuel. Le cabinet était sombre, mais par les portes, ouvrant dans les deux chambres, pénétrait un double rayon de lumière. De sa main étendue, Georges, sans parler, renvoya la domestique, et avec précaution, il ferma derrière elle la porte du cabinet. Alors il fit quelques pas en avant vers la lumière qui le guidait. Le tapis étouffait le bruit de ses pas. En avançant la tête, il aperçut Charlotte dans sa chambre. Assise devant une table, elle écrivait. Comme elle lui tournait le dos, il ne put voir son visage. Mais au mouvement saccadé de la main qui tenait la plume, il était évident qu'elle était sous le coup d'un trouble profond. De temps en temps, elle s'arrêtait brusquement et se cachait la tête entre ses deux mains, puis elle recommençait à écrire. Près d'elle, sur la table, était posé un verre à moitié rempli. À côté de ce verre se trouvait une fiole enveloppée d'une étiquette rouge. Georges, dans l'angle de la porte, restait à la regarder, sans avancer. Tout à coup, elle se leva vivement. Par un mouvement involontaire, il recula, mais elle ne venait pas dans le cabinet toilette. Quand il regarda de nouveau, il la vit agenouillée devant un portrait d'Emmanuel qui faisait vis-à-vis à son lit. Dans cette position, elle présentait de face son visage à Georges. Elle était d'une pâleur mortelle, son front était traversé par des rides, ses sourcils étaient relevés par une contraction spasmodique, tandis que les coins de sa bouche étaient abaissés. En tout, l'expression d'une souffrance désespérée. « Grâce !» dit-elle en tendant ses mains crispées vers le portrait. Puis, se relevant bientôt, elle revint à la table, elle ramassa les feuilles de papier qu'elle venait d'écrire, puis, après les avoir pliées et mises sous enveloppe, elle traça quelques mots sur cette enveloppe. Cela fait, elle parut tomber dans une méditation profonde. Fixement, elle regardait devant elle, sur la table, et ses lèvres semblaient murmurer des mots que Georges n'entendait pas. Elle était effrayante à voir. Poussée par l'émotion, il allait entrer dans la chambre lorsqu'elle étendit la main et, prenant la fiole à l'étiquette rouge, elle en versa le contenu entier dans le verre. D'un bond, Georges fut près d'elle et, prenant le verre, il le jeta dans la cheminée. Surprise par cette brusque irruption, elle avait poussé un cri et, instinctivement, elle s'était jetée en arrière. Elle revint promptement à elle et, de ses deux mains tendues, elle voulut repousser Georges. « Qu'alliez-vous faire ? » dit-il. « Partez ! » dit-elle sans lui répondre. « Partez !» Il répéta sa question. Alors, après un moment de silence, elle s'avança vers lui et le regardant en face, « Mourir » dit-elle. Il baissa les yeux et frissonna, mais se remettant bien vite, « Vous me haïssez donc ?» Elle ne répondit pas, mais elle le regarda avec une inexprimable expression de surprise. « Si vous me haïssez, dit-il, il n'est pas nécessaire de vous tuer pour me fuir. « Ce n'est pas vous que je fuis, c'est moi-même. C'est à mon propre mépris, à mon propre dégoût, que je veux échapper par la mort. Mourir !» Elle le regarda de nouveau longuement, jusque dans l'âme, puis détournant la tête, mais aussi parlant d'une voix ferme cependant. « Je suis enceinte, » dit-elle. « Enceinte ? Comprenez-vous maintenant pourquoi je dois mourir ? Vous devez vivre. Ah, dit-elle, vous en jugez ainsi ? Vous jugez que quand mon mari rentrera guéri dans la maison, il doit y trouver un enfant dont il ne sera pas le père, et une femme qui l'aura déshonoré, une femme qui l'aimait et qui l'aimait, une misérable, sans courage, sans honneur, qui s'est laissée entraîner. Si vous vous êtes laissée entraîner, vous n'êtes pas coupable, et alors ce n'est pas à vous de mourir. À vous, je ne vous en empêcherai certes pas, si telle était votre résolution. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit en ce moment, c'est de vous. Pour moi, s'il faut que j'expie plus tard un moment d'égarement, une surprise involontaire. Involontaire ! Je saurai alors vous prouver que je sais prendre des résolutions viriles. Ce que je veux en ce moment, ce n'est pas vous parler de moi, ce n'est pas davantage vous parler de vous, mais de ceux que vous voulez entraîner avec vous dans la tombe, de votre enfant, de notre enfant. Ah, taisez-vous ! S'écria-t-elle en se jetant les mains sur le visage. De votre mari ? Ne parlez pas de mon mari ! Si vous croyez avoir le droit de vous tuer, c'est bien. Ceci est affaire entre vous et Dieu. Mais avez-vous le droit de tuer votre enfant ? Avez-vous le droit de tuer votre mari ? Je ne tue pas mon mari. Et que faites-vous donc ? Que deviendra-t-il sans vous s'il ne guérit point ? Que deviendra-t-il si, guérissant, il ne vous retrouve plus ici ? Son désespoir, quand il apprendra votre mort, le rejettera fatalement dans sa maladie. Vous voyez donc bien que vous ne pouvez pas mourir. Et vous, ne comprenez-vous pas que je ne peux pas vivre ? Mon mari mourra de désespoir, dites-vous, si rentrant dans cette maison, il ne m'y trouve plus. Croyez-vous qu'il ne mourra pas plus sûrement encore, s'il y trouve un enfant dont il ne peut pas être le père ? Georges resta un moment silencieux. Jusque-là, les paroles s'étaient précipitées entre eux avec une rapidité qui ne permettait pas la réflexion. « Vous êtes dans un état de crise, dit-il, qui ne vous laisse pas la liberté de vous-même. De mon côté, je ne saurais pas m'exprimer comme il convient. Tout ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que je suis certain de pouvoir empêcher votre suicide, et par là, empêcher en même temps la mort de votre enfant et celle de votre mari. Mais demain, je vous le prouverai. Donnez-moi jusqu'à demain. Et si demain je ne vous apporte pas cette preuve, vous serez libre. À demain. » Et ouvrant le verrou, il sortit par le salon, laissant Charlotte immobile, stupéfiée, au milieu de sa chambre. Fin de la section 56.